Jacques chapitre 2. Mes frères, n'ayez point la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorieux, en ayant égard à l'apparence des personnes. Car s'il entre dans votre assemblée, un homme qui porte un anneau d'or, et qui soit vêtu de quelque précieux habit, et qu'il y entre aussi quelque pauvre, vêtu de quelque méchant habit, et que vous ayez égard à celui qui porte l'habit précieux, et lui disiez, « Toi, assieds-toi ici honorablement », et que vous disiez au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi sur mon marchepied. » N'avez-vous pas fait différence en vous-même, et n'êtes-vous pas des juges qui avez des pensées injustes? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, qui sont riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Mais vous avez déshonoré le pauvre. Et cependant les riches ne vous oppriment-ils pas, et ne vous tirent-ils pas devant les tribunaux, et ne sont-ce pas eux qui blasphèment le bon nom qui a été invoqué sur vous? Que si vous accomplissez la loi royale, qui est selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous avez égard à l'apparence des personnes, vous commettez un péché, et vous êtes convaincus par la loi comme des transgresseurs. Or, quiconque aura gardé toute la loi, s'il vient à pécher en un seul point, il est coupable de tous. Car celui qui a dit, « Tu ne commettras point adultère », a dit aussi, « Tu ne tueras point ». Si donc tu ne commets point adultère, mais que tu tues, tu es un transgresseur de la loi. Parlez et agissez, comme devant être jugé par la loi de la liberté. Car il y aura une condamnation sans miséricorde sur celui qui n'aura point usé de miséricorde, mais la miséricorde se met à l'abri de la condamnation. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un s'il dit qu'il a la foi, et qu'il n'ait point les œuvres? La foi le pourra-t-elle sauver? Et si le frère ou la sœur sont nus, et manquent de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez point, les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. » Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi qui est sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, quand il offrit son fils Isaac sur l'autel? Ne vois-tu donc pas que sa foi agissait avec ses œuvres, et que ce fut par ses œuvres que sa foi fut rendue parfaite? Et qu'ainsi cette écriture fut accomplie, qui dit, Abraham a cru en Dieu, et cela lui a été imputé à justice, et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Pareillement Rahab l'hospitalière, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres, quand elle eut reçu les messagers, et qu'elle les eut mis dehors par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi qui est sans les œuvres est morte.